من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes inshallah ta'ala lundi le 4 Jumada, Jumada al-Ula 1428, c'est-à-dire le lundi 21 mai 2007 bi'idhn azza wa jalla. Nous sommes toujours avec la vie des prophètes et ici aujourd'hui la vie d'Adam alayhi salam. Comme nous l'avons commencé il y a deux ou trois cours, je n'ai pas oublié bi'idhn azza wa jalla. Juste une petite révision avant de commencer avec le nouveau. On avait dit que le diable, que Satan, le diable, d'après Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, avait un museau et qu'il mettait toujours son museau sur, il mettait son museau sur la poitrine des personnes pour essayer de sentir quel genre de tentation cette personne a-t-elle dans le cœur. Naam, ça dépend des genres de tentation qu'on a dans le cœur, alors il essaiera de venir d'après les tentations qu'il a senti qu'il y a dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam alayhi salam, Satan avait vu qu'il a été créé en terre, il a été créé de terre et d'argile. Il a su que celui-là fallait bien que un jour il meure, parce qu'il a été créé de terre. Et la terre, il faut qu'elle ait une femme. C'est pour ça que, quand il est venu lui chuchoter, il lui a dit, est-ce que tu voudrais que je te montre, qu'est-ce que tu vas faire si tu le sais, tu seras un ange, ou bien tu seras dans un royaume impérissable, comme il a dit. Donc, le Satan vient d'après les tentations qu'on a. Il sait que les tentations, par exemple, c'est l'alcool, ils viennent du côté de l'alcool, c'est autre chose, et comme ça. C'est d'après ce qu'ils sont, qu'on a dans le cœur. On avait dit que, quand il est venu, Satan, quand il est venu à Adam, alayhi salam, Adam, alayhi salam, l'a cru. Adam, que la paix soit sur lui, a cru Satan. Pourquoi? Parce que, il lui a dit, comme on l'a vu la fois passée, je jure que je suis pour vous deux un bon conseiller. Il a dit, je suis pour vous deux un bon conseiller. C'est-à-dire, il n'a pas dit, je suis un bon conseiller pour vous deux. Il a commencé par pour vous deux. C'est-à-dire, je ne suis que pour vous deux un bon conseiller. Je suis un conseiller et un privé. Seulement pour vous. Allah. Particulier. Naam. C'est ça qu'il a dit, pour vous deux, un bon conseiller. Ensuite, il a dit, un bon. Je ne suis pas n'importe quel conseiller. Je suis un bon conseiller. Ensuite, je suis quoi? Conseiller. Je suis venu vous porter conseil. Mais le plus important de tout cela, c'est quoi? C'est qu'il a juré. Alors que notre père Adam, alayhi salam, n'avait jamais entendu quelqu'un jurer par Allah. Donc, il ne s'est jamais dit que quelqu'un peut jurer et mentir. C'est pour ça que, quand on a demandé une fois à Adam que la paix soit sur lui, on lui a dit, comment se fait-il que Satan a pu savoir? Il a dit, justement, parce qu'il a juré. Il a dit, je n'ai jamais cru que quelqu'un pouvait jurer et mentir. Et comme j'ai dit une fois, le croyant, quand on lui vient du côté du din et du côté de Allah et on jure, etc., presque tous les temps, on peut l'avoir. Pourquoi? Parce que il est en ce sens naïf. Naïf pourquoi? Parce que qui se dit que c'est impossible que quelqu'un, par exemple, jure par Allah, par Dieu, ensuite mente. C'est vraiment un grand péché. C'est pour ça qu'on croit facilement les gens. Et je vous ai parlé du récit qui est authentique, un hadith qui est authentique, où le prophète alayhi sallam a dit une fois, Isa, Jésus alayhi sallam, que la paix soit sur lui, a vu quelqu'un en train de voler. Il lui a dit, tu voles. L'autre a dit, je jure par Allah, je jure par Dieu que je ne vole pas, que je n'ai pas volé. Qu'a répondu Isa, Jésus alayhi sallam, qu'a-t-il répondu? Il a répondu, je crois en Allah et je démens mes yeux. Je vais dire que mes yeux n'ont pas vu et je te crois parce que tu as juré par Allah. Ça veut dire que quand quelqu'un jure par Allah, il ne peut pas mentir. Normalement, c'est comme ça là. Mais maintenant, les gens, bien sûr, maintenant, les gens peuvent prendre cette chose comme ruse. Car plus yani, la foi est faible dans leur cœur, plus ils peuvent jurer comme ça facilement en mentant. Certains prennent cette chose yani, comme ruse. Ils se disent, on sait que si je lui jure, il va me croire. Et ils jurent tout en mentant. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'être cru et d'arriver à ses fins, c'est tout. Je dis maintenant, moi j'ai juré, j'ai menti ou j'ai pas menti. Ça, yani, c'est pas intéressant. C'est le moyen. Je voulais dire aussi que. Donc, puisque Satan vient aux personnes, comme je viens de le dire, d'après quoi? D'après les sensations qu'ils sont qu'on a dans le cœur. D'après les sensations qu'ils sont qu'on a dans le cœur. Si les sensations sont de telle chose, ils essaient de se venir de cette chose. Par exemple, quand quelqu'un, par exemple, il faut que ses sensations étaient, par exemple, de l'alcool. Buvez de l'alcool, prenez de l'alcool. Avant d'être pratiquant, etc., il essaye de te venir de cette porte et essaye de te faire souvenir les jours. Tu te souviens quand tu buvais, tu étais heureux, tu étais heureux, tu buvais, tu sentais pas seulement quand tu vois en tant que place. On fait ce qu'on veut, c'est ça qu'il essaye de te venir de cette porte. S'il sait par exemple que. Et autre chose, c'est d'autres péchés, ils viennent d'après la sensation qu'ils font, qu'on a dans le cœur. C'est pour ça que plus on connaît le Coran et la Sunna, plus on s'éloigne de ce Satan. Car Satan, c'est Allah, Dieu qui l'a créé. Or, il l'a créé, il nous a dit dans le Coran, le Satan, c'est le diable, est pour vous un ennemi déclaré. Alors prenez-le comme ennemi. Comment vais-je le prendre pour ennemi si je ne connais pas d'où il me vient? Comment vais-je prendre quelqu'un comme ennemi si je ne connais pas d'où il me vient et quelles sont ses armes? Quelles sont ses armes? Il faut bien connaître comment il me vient, de quelle issue il me vient et quelles sont ses armes pour le combattre. Je ne connais pas l'ennemi, je ne peux pas le combattre. C'est pour ça que plus on connaît le Coran et la Sunna, plus on peut combattre le Satan. Et moins on connaît ces deux choses, moins on peut le combattre. Car Allah subhanahu wa ta'ala a bien montré dans le Coran, et son prophète, que la paix soit sur lui, a bien montré dans les hadiths comment vient le shaitan et comment il vient lorsqu'on mange, lorsqu'on est seul, lorsqu'on est. Même lorsqu'on est dans les toilettes, lorsqu'il a tout montré, et vous, sûrement vous savez cela. On a parlé de ça plusieurs fois. Quant au dars d'aujourd'hui, quant au cours d'aujourd'hui, on va commencer par le titre, c'est Naam. Maintenant, on avait dit, on est arrêté que Adam et Ève et Hawa ont mangé de l'arbre. On avait montré que Satan a chuchoté de la barrière du paradis. Certains disent il passait par le paradis, il passait. Même certains disent de la barrière du paradis. Quand il a chuchoté, on a montré aussi que c'est qui? C'est Ève, c'est Hawa, alayhi salam, qui a été la plus touchée par ce qu'il a dit. Elle a été plus influencée que son mari, Adam. Et c'est elle qui a exhorté et qui a incité Adam à manger de l'arbre. quand ils ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé? La première des choses, le premier châtiment qu'ils ont eu, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a dévêtus. Naam. Dans certains livres, il est dit que, ils étaient nus, mais ils, au paradis, mais ils avaient une lumière autour de leurs parties intimes. Mais le Coran a démenti cela. Il a dit non. Il avait des vêtements. C'est pour ça qu'il a dit, en parlant de Satan, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. 7:27. Sourate 7, verset 27. Il a dit, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. C'est une preuve qu'ils avaient donc des vêtements. Maintenant que ils se sont vus nus, ils ont commencé à enlever des feuilles de certains arbres pour se cacher. Et bien sûr, ils ont fait quoi? Ils ont regretté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran alors, et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent, les deux, dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Sourate 7, verset 22-23. Bien sûr, entre parenthèses, tous ceux qui ont des questions là, Inch'Allah qu'il les note pour ne pas les oublier, comme ça à la fin du cours, vous pouvez les poser. Naam. Je répète, et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Ne vous ai-je pas dit que le diable était moi un ennemi déclaré? Tous deux dirent alors, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Naam. S'il y a du sang, vous mettez le numéro 1. Nous serons certainement du nombre des perdants. Donc ce verset est une reconnaissance de leurs erreurs et retire des péchés. Ce montre sur ce et le besoin de faire en Dieu dans les mondes. Il dit, si sa pièce était prédominante, chaque personne, après avoir fait une faute, revient vers son créateur, parce qu'elle sera alors plus heureuse dans cette vie et dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que tout le monde fait des fautes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout le monde fait des fautes. Naam. Tous les enfants de Adam font des fautes. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Mais les meilleurs des fauteurs, ce sont ceux qui font le repentir. Naam. Qui de nous ne fait pas une faute? Mais quand tu fais la faute, tu regrettes et tu reviens vers Allah, ou là tu termines dans le mauvais chemin et dans le faux chemin. Est-ce qu'on regrette, on fait le repentir? Là on regrette pas. C'est ça le plus essentiel. Car même Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit, si vous ne faisiez pas de faute, naam, alors Allah subhanahu wa ta'ala aurait créé des gens qui feraient des fautes, naam, pour qu'ils fassent le faute, fassent le repentir. Naam. Si vous n'aurez pas fait de faute, Allah subhanahu wa ta'ala vous aurait pris et aurait fait venir d'autres qui feront des fautes et ils feront le repentir et il leur pardonnera. Donc, conclusion, la faute existe. Tous ont fait des fautes, mais est-ce qu'on fait comme notre père et notre mère qui ont regretté ou bien on continue dans le mauvais chemin et dans le faux chemin? Naam. Ensuite, l'expulsion de Adam et d'Hawa du paradis. L'expulsion de notre père Adam et de notre mère Ève du paradis. Ça dit, descendez. Vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous, sur terre, séjour et jouissance pour un temps. Verset 24, sourate 7. Descendez, dit Allah. Vous serez ennemis les uns aux autres. Et il y aura pour vous, sur cette terre, séjour et jouissance pour un temps. Quand il a dit descendez, vous serez ennemis les uns des autres. Premièrement, quand il a dit descendez, certains théologiens ont dit Voilà une preuve que le paradis se trouvait dans le ciel et pas sur terre comme disent certains. Car il a dit descendez. Et on ne descend que d'un endroit qui est plus haut, qui est haut. On descend du haut vers le bas. Et le Coran a dit descendez. Deuxièmement, lorsqu'il a dit vous serez ennemis, vous serez ennemis, il ne parle pas de Adam et Ève. Ennemis, c'est-à-dire vous deux et Satan, le troisième. Car lui aussi a ordonné de descendre. Donc il a dit vous allez être des ennemis l'un à l'autre. C'est-à-dire toi, Adam, et toi, Ève, vous allez être les ennemis de Satan et lui, il va être votre ennemi. Ensuite, il a dit, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance. Donc, voilà ce qu'il va y avoir sur terre. Un séjour et jouissance pour un temps. Pour un temps. Pourquoi a-t-il dit pour un temps? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans le verset, non, moi je n'ai pas écrit le verset ici, mais la sourate s'appelle Al-Hakum Takasur. Il a dit, la course aux richesses vous distrait. Al-Hakum Takasur. Hatta Zotum Makabel. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. La course aux richesses vous distrait. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Regardez. Qu'est-ce qu'il a employé le mot? Il a dit, vous, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Pourquoi il a employé le verbe visiter dans les tombes? Pour vous dire que la tombe, même si on reste des millions d'années, il faut le jour où on doit sortir d'elle et la quitter. Pourquoi il a employé le mot visite? Quand on va chez quelqu'un pour lui rendre visite, on reste un quart d'heure, une demi-heure, une demi-journée, une journée, même si un mois, deux mois, mais il faut qu'on revienne à notre maison. Allah Ta'ala a dit, vous allez visiter les tombes, c'est-à-dire rester un certain temps, et puis il y aura le jour de la résurrection, où tu es obligé de quitter ta tombe, et d'aller vers Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui va nous juger tous, de ce qu'on a fait quand on était dans cette vie. C'est pour ça que dans le verset plus haut, qu'est-ce qu'il a dit? Il y aura pour vous sur terre séjour. Et le séjour, regardez le mot séjour, c'est un séjour, donc il doit se terminer un jour ou l'autre. Et jouissance pour un temps. Pour un certain temps, c'est-à-dire déterminé. Ensuite, le prophète a dit, le meilleur jour. Donc on a vu ici que Adam et Ève ont regretté. Et ils ont demandé le pardon. On a vu que l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de demander le pardon, car tout le monde se trompe. Tout le monde. Il n'y a aucune personne qui ne se trompe pas. Mais l'essentiel, c'est de demander pardon. Eux, ils ont demandé pardon, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné, mais à condition qu'ils descendent sur terre vive. Le prophète, alayhi sallam, a dit, le meilleur jour, qui voit le soleil est le vendredi. Pourquoi? Il a dit, en ce jour, Adam, tu crées. Premièrement, il a été créé un vendredi. En ce jour, il entra au paradis. C'est un vendredi que il a été permis à Adam et Ève d'entrer au paradis. En ce jour, ils ont pu expulser. C'est un vendredi qu'il a été expulsé du paradis. Donc, au moins quoi? Au moins, il est resté une semaine au paradis. Puisqu'il est rentré un vendredi, il est sorti un vendredi. Au moins, si on comptait le mois, il est resté une semaine. Donc, au moins une semaine au paradis. Il a dit, et en ce jour, l'heure s'établira. Et la fin du monde sera quoi? Sera en ce jour. Sera un vendredi. Non, c'est un vendredi que sera la fin du monde. Dans un autre hadith, il a ajouté autre chose. Il a dit, et c'est un vendredi que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à Adam. Et dans un autre hadith il a dit Wafihimet, et c'est un vendredi que Adam alayhi salam est mort. Donc le vendredi, vous remarquez que la meilleure salat, la meilleure prière en islam se trouve le vendredi. Allah Ta'ala a choisi de faire cette salat ce jour-là. C'est le jour le meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui s'est passé exactement donc le vendredi? Il y a six choses. Je les recompte. Premièrement, Adam a été créé le vendredi. Deuxièmement, ce jour-là, il rentra au paradis. Non. Troisièmement, ce jour-là, il fut expulsé du paradis. Quatrièmement, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné et lui a accepté son repentir. Cinquièmement, ce jour-là, Adam alayhi salam est mort. Il est mort un vendredi. On va voir à la fin comment il est mort. Sixièmement, la fin du monde, yani, la fin de ce monde sera un vendredi. Ce hadith est un hadith sahih. Il se trouve dans le deuxième livre le plus vrai après le Coran. Après le Coran, les musulmans, ils ont un livre qui s'appelle Bukhari. Et le deuxième qui vient juste après s'appelle Muslim. Ce hadith est l'un des plus authentiques, car il se trouve dans le deuxième livre après le Coran, après le Coran et le Bukhari. Ensuite, il dit, puis Adam, que la paix soit sur lui, reçut de son Seigneur des paroles. Et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Non. Donc, en islam, quand quelqu'un fait une faute, l'essentiel c'est quoi? C'est de revenir. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, ceux qui sont pieux, lorsque une suggestion du diable les touche, ils se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Sourate 7, verset 201. Qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui sont pieux, lorsque une suggestion du diable les touche, ce qui se passe, ils se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Donc, ce verset a bien montré que ceux qui sont pieux et le diable peut les toucher. Il a dit, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est quand le diable me touche, je me rappelle et je reviens vers le vrai chemin. Je reviens vers le vrai chemin. Donc, quant aux autres, quand le diable leur fait des suggestions et des chemins, ils continuent dans le faux chemin, comme j'ai dit tout à l'heure. Now, maintenant, on va voir comment Adam, alayhi salam, comment il a été créé. Comment il a été créé avec les détails. Now, dans un hadith, dans un récit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est authentique, Naam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah a créé Adam d'une poignée de poussière. Allah a créé Adam d'une poignée de poussière qu'il avait assemblée de la terre. Ainsi, les enfants d'Adam sont venus sur la couleur et la nature de la terre. Il y a parmi eux le blanc, le rouge, le noir et le moyen. Il y a parmi eux le mauvais et le bon, le doux et le sévère, aussi bien que le moyen. Ce hadith est rapporté par Ahmed Abu Daoud et les autres. Il se trouve dans Sahih Abu Daoud, numéro 4693. Hadith authentique. Donc, ce récit a montré que Adam alayhi salam a été créé de terre. Dans un autre hadith, il est dit que Allah Ta'ala a envoyé Gabriel, alayhi salam. Il l'a envoyé sur terre. Il lui a dit, tu me ramènes de la terre, de yani, tous les côtés de la terre. Tu vas à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, et tu me ramènes de la terre. Donc, il a ramené différentes couleurs de la terre et différentes sortes. Et ceux qui ont l'habitude de toucher la terre et qui vivent comme ça, des terres, c'est des cailloux et des rochers. Non, ça, de par la nature. Maintenant, de par la couleur, tout le monde sait, surtout ceux qui habitent à la campagne, etc., savent que la terre a une couleur. Cette terre a une couleur rouge, l'autre a une couleur noire, l'autre a une couleur jaune, l'autre a une couleur qui grise. Et comme ça. C'est pour ça, ici le prophète alayhi salam, il a dit, puisque nous, on descend de notre terre, et notre terre a été créée de terre, de différents endroits et de différentes couleurs, il a dit, c'est pour ça qu'il y a parmi eux le blanc, le rouge, le noir, et le moyen. Il y a le blanc, Vous allez dans les pays scandinaves, etc., tous ils sont blancs. Vous allez dans les pays d'Afrique, tous ils sont noirs. Vous allez en Inde, tous ils, ou là, en Amazonie, ou je sais pas où, il y a les Indiens qui ont la peau rouge, qui ont la peau rouge. Et vous trouvez le mat qui se trouve au milieu. Pourquoi? C'est d'après la terre, d'après la terre dont il a été créé. Et il a dit aussi, c'est pour ça que vous trouvez le mauvais, le bon et le doux et le sévère. Vous trouvez, non, dans la philosophie, le mauvais, le bon, le doux et le sévère. Non, a un hadith avec elle. Donc, c'est pour ça, comme j'ai dit, que les gens sont pas tous les mêmes. Sont pas tous les mêmes. Vous trouvez une personne, elle a un caractère, masha'Allah. Très très bien, très sympa, très ouvert, très. Yani, tu l'aimes. Dès que tu commences à parler avec elle, elle te plaît cette personne et tu l'aimes. Et il y a des personnes, c'est yani, difficile d'aborder, difficile de tenir avec elle une discussion. Que yani, je ne peux pas m'habituer à elle. Difficile. Et comme ça, pourquoi? Ça dépend de la terre d'où elle est venue. Subhanallah. Ça dépend de la terre. Yani, la terre dont elle a été façonnée est une terre qui est, disons, rigide, ou là, disons, non, qui n'est pas yani, douce, qui n'est pas douce. C'est pour ça, je vais citer un autre hadith qui a relation avec cette chose aussi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non, a dit dans un autre hadith, il a dit dans un autre hadith qui est authentique, ben, il se trouve dans le livre le plus vrai, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Inna nasa ma'adin ka ma'adin fidda wa dhahab. Il a dit, les gens sont des métaux, comme le métal de l'argent et le métal de l'or. Non, les gens sont des métaux, comme le métal d'argent et le métal de l'or. Allah, non. Nous n'avons pas le même métal. Nous avons tous été créés de la terre, mais j'ai dit que la terre différencier beaucoup. C'est pour ça que tu vas dans un endroit à la campagne, il te vend un hectare avec je ne sais pas combien et un autre hectare dans un autre endroit, il coûte 10 fois plus. 10 fois plus ou 20 fois plus. Pourquoi? C'est pas le même endroit, donc c'est pas la même terre. C'est pas la même terre. Non. Et dans un autre hadith, il a cité ce début, c'est-à-dire il a dit les gens en métaux. De l'argent, le métal de l'or. Ensuite, il a dit, Tazidouna an-nasa, na'am, ma'adin. Il a dit, vous trouverez les gens comme des métaux. Vous trouverez les gens comme des métaux. Fakhiyarukum fi al-jahiliya khayrukum fi al-islam idha faqahu. Vous allez trouver que les meilleurs qui étaient dans la mécréance, ce seront les meilleurs qui seront en islam après être rentrés en islam. Et d'affaires, s'ils apprennent leur religion et yani, atteignent un niveau, masha'Allah, dans le din. Non. Les meilleurs qui étaient dans la mécréance avant de faire le repentir seront les meilleurs lorsqu'ils rentreront en islam et apprendront bien leur religion. Ensuite, le prophète A.S.M. a dit, وَتَدِدُونَ خِيَّرْنَا سِيَدَ الْأَمْرِ أَكْرَاهُمْ لَهُ قَبْلَ نِقَعَافِهُ. Subhanallah al-Azim, il m'a dit quelque chose. Ma fin du hadith que je vais dire, qui trouve vraiment que c'est un prophète. Car personne ne peut dire cette chose comme une chose pareille. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et vous trouverez que en islam, ceux qui détestaient le plus cette chose, c'est-à-dire de rentrer en islam, ce seront les meilleurs après qu'ils aient embrassé cette religion. Non. Ceux qui détestaient le plus l'islam, ceux qui le détestent le plus avant d'y entrer, lorsqu'ils rentreront, ce seront les meilleurs. Je donne trois exemples comme ça très vite. Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Connaissez-vous quelqu'un qui détestait l'islam plus que Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu? Et regardez, quand il est rentré en islam, qu'est-ce qu'il a fait? Et il est devenu le deuxième calife, après Abu Bakr Siddiq. Et pensez-le, les ennemis les plus jurés des musulmans. Mais quand il est rentré en islam, regardez comment il est devenu. Pourquoi? Parce qu'il le détestait beaucoup. Que comme a dit le prophète, celui qui déteste beaucoup l'islam, s'il rentre, c'est lui qui va l'aimer le plus. Ensuite, il a dit, pardon, je donne un deuxième exemple. Je donne Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala anhu. Qui ne connaît pas Khalid ibn al-Walid? Qui ne connaît pas Khalid ibn al-Walid? Comment et qu'est-ce qu'il a fait des musulmans? Il a fait un ravage. Combien il a tué de musulmans? C'était un guerrier que personne ne pouvait battre. C'était un guerrier, un vrai guerrier, au sens propre du terme. Tellement il connaissait la guerre et les ruses de la guerre, personne ne pouvait le battre. Et combien de fois il a tué de musulmans, peut-être des centaines, peut-être des milliers. Et regardez, quand il est rentré en islam, et subhanallah l'azim, il est devenu le aussi, yani quelqu'un qui aimait beaucoup l'islam, et au point où il a voulu se venger sur les mécréants, il a dit, comme j'ai tué comme ça, un grand nombre de musulmans, je voudrais maintenant prendre la revanche et tuer les autres, les mécréants, ça veut bien sûr dans la guerre sainte, et au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khalid ibn al-Walid, c'est une épée des épées d'Allah, une épée yani, tirée de sa gaine, une épée des épées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et prenez aussi Ikrima, le fils de Abu Jahl. Abu Jahl, un des réputés de l'islam et des musulmans, son fils Ikrima, était comme son père, et quand il est rentré en islam, mashallah, comment il est devenu, au point où on donnait des exemples, on frappait des exemples de sa conduite et aussi de son bon comportement. Non. Ensuite, où qu'on était? Non. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, l'accueillant repentir le miséricordieux. Alors tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, nous avons fait, pardon, parce que là, j'ai dépassé cela. Je disais que il a été créé de terre. Il a été créé de terre. Nam. Il a été créé de terre. Dans un verset, verset 14 de la sourate 55. Allah Ta'ala dit, il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Il a créé l'homme d'argile sonnante. Elle sonne comme la poterie. C'est pour ça que Allah le Tout-Puissant, lorsqu'il a créé Adam, bien sûr, il a façonné avec sa main, hein, et il est resté comme ça, comme corps en poussière, pendant 40 ans. 40 ans, allongé comme ça, il n'a pas encore d'âme. Allah Ta'ala ne lui a pas encore insufflé l'âme. Quand les anges passèrent à côté de lui et le virent, ils furent effrayés. Alors Satan était le plus effrayé parmi eux. Il passait à côté de lui et le frappait comme ça avec son pied. Alors le corps, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un son comme celui de la poterie à hocher. Il le frappait comme ça avec son pied pour voir, yani, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Déjà, c'était la première créature humaine qu'il avait vue. Alors quand il frappait comme ça avec son pied, il faisait un son comme c'est la poterie à hocher. Alors là, Ta'ala a mentionné ça dans le Coran, il a dit, il a créé l'homme d'argile sonnante. Sonnante comme la poterie. Non, elle sonne. Car Satan, quand il frappait comme ça avec son pied, on entendait un son. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ici, le prophète a dit, quand Allah ta'ala créa Adam, il le laissa aussi longtemps qu'il voulait. On vient de dire qu'il l'a laissé 40 ans. Alors Satan commença à circuler autour de lui. Il a été très étonné. C'est quoi cette créature? Je n'en ai jamais vu. Pourquoi a-t-elle été créée? Qu'est-ce qu'elle va faire? Etc. etc. C'est pour ça qu'après on l'a vu, il n'a pas voulu se prosterner. Il a dit, c'est impossible, je me prosterne à une chose qui a été créée de terre et d'eau. Alors, Satan commença à circuler autour de lui. Et quand il découvrit qu'il était une cavité, c'est-à-dire qu'il était creux à l'intérieur, il n'y avait pas encore, il n'y avait rien, ni les intestins, ni rien. Il a découvert qu'il était creux. Alors il sut que c'était une créature qui ne pouvait pas se retenir. C'est une créature qui ne pouvait pas se retenir. C'est-à-dire une créature qui ne peut pas se retenir de quoi ? Les ulama, les savants ont dit, elle ne peut pas se retenir, par exemple, de ne pas s'énerver. De ne pas s'énerver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, par exemple, je peux ne jamais m'énerver dans ma vie ? C'est impossible. Ils ont dit aussi, ou bien, de ne pas se retenir des tentations. De ne pas se réanimer, de ne pas courir derrière les tentations. Ou bien, ils ont dit, de ne pas se retenir et de ne pas se contenir des chuchotements. Non. Lui, Satan, le diable, a su que celui-là, cette créature et ses enfants, bien sûr, sa progéniture, ne peuvent pas se contenir, ils ne peuvent pas se retenir aussi de quoi ? Des chuchotements. Des chuchotements. C'est pour ça qu'il vient aux personnes et il commence comme ça à chuchoter. Il commence à chuchoter. Donc, il chuchote aussi d'après quoi ? Il chuchote d'après ce qu'ils font de toi. Non, ce qu'ils font de toi. S'ils sentent par exemple que tu as peur de la mort, il vient chuchoter qu'il ne te reste pas beaucoup de jours, etc. et tu vas mourir. Et il est même capable de te venir dans le sens. De te venir dans le sens, de montrer que on t'a déjà, tu es déjà mort et on est en train de te laver, etc. S'il sent que par exemple tu aimes beaucoup tes enfants, il va venir chuchoter du côté des parents. Celui-là, tu vas le perdre très bientôt, etc. Il fait des chuchotements dans les oreilles et dans le cœur jusqu'à ce que la personne, elle peut tomber malade ou elle peut quoi? Ou elle peut, yani, devenir folle. Pour ne pas aller loin, pourquoi je vais très loin? Pour ne pas aller loin, aujourd'hui, une femme, une sœur m'a téléphoné le soir, l'après-midi. C'est quoi son problème? Le problème, c'est que, voilà maintenant une année, que quelque chose lui dit dans sa tête qu'elle va mourir. C'est ça justement le chuchotement du diable. Est-ce que quelqu'un sait quand il va mourir? Alors pourquoi tu n'essayes pas de faire des efforts? Il faut faire des efforts. C'est une guerre. Allah Ta'ala dit c'est un ennemi déclaré. Toi l'ennemi, tu dors. Quand il y a un ennemi, tu dors ou là tu lui fais la guerre? Maintenant, si tu veux être un ami de l'ennemi, c'est autre chose. Mais si tu veux triompher sur l'ennemi, il faut lui faire la guerre. Il faut lui faire la guerre. Je lui ai dit, voilà, maintenant c'est le grand ennemi qui est avec toi. Il veut te noircir ta vie. Il veut que tu vois tout noir devant toi, même si tu ne meurs pas, car il sait que tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir aujourd'hui ou demain. Mais, à la rigueur, il va te noircir la vie. Et quelle vie? Chaque 5 minutes, chaque seconde, tu dis, je vais mourir. Pour ton mariage avec des enfants. Quelle vie, je lui ai dit. Ce n'est pas une vie. Il faut lui faire déclarer la guerre et dire que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Personne. Et je lui ai donné un exemple. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé rendre visite à quelqu'un qui allait mourir. Il est allé lui rendre visite. Ensuite, quand ils se sont séparés, cette personne, combien elle a vécu après la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cette personne s'appelle Sa'd ibn Abi Waqqas. Ce récit est dans le deuxième livre le plus juste après le Coran, Bukhari. Combien a vécu cette personne après? Elle a vécu 48 ans après. Subhanallah. Après la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus le voir avant qu'il ne meure. Il a vécu après 48 ans et a eu 22 ou 24 enfants. Autre. Enfin, il avait 7-4 femmes. Regardez, même cette chose, je lui ai cité. Je lui ai dit, personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. C'est impossible. Donc ne laisse pas le diable te dire que tu vas mourir demain. Ou bien, il sait par exemple que tu as beaucoup peur des maladies. Alors il va te dire, tu vas avoir le cancer. Toutes les femmes, toutes, elles commencent à essayer de toucher leur corps. Est-ce qu'on a un kyste? Est-ce qu'on n'a pas? Attends, je touche ma poitrine. Attends, je touche mes oreilles. Je ne sais pas où. J'ai un kyste, je ne sais pas. Et s'il y a une petite chose, alors le diable sera là avec force pour dire que justement ça c'est le début du cancer. Et même si ce n'est pas le cancer, il a fait son jeu. Le diable a fait son jeu et maintenant tu passes des nuits blanches et à chaque fois tu dis demain je vais mourir, je vais avoir le cancer, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. C'est ça le travail du diable. C'est ça son travail. C'est ça le but. selon lui, c'est pas les couleurs d'hommes qui vont à la roche. C'est comme ça, par selon elles sont les informations pour faire la choix qu'ils sont brûlés et qu'ils se les rares, c'est pas fini. Je vous aime, je vais la rendre forte. Façon bien que les percepteurs, Inch'Allah, je suis convaincu. Mais bien dit que personne ne savait quand il ne sait quand il va mourir. Personne. Même un prophète ne sait pas. Jusqu'à ce que l'ange vienne. Car seuls les prophètes ont la particularité que l'ange de la mort vient leur demander est-ce que vous voulez ajouter ou vous voulez mourir. Seuls eux, ils ont cette particularité. Sinon, personne ne sait yani, quand est-ce qu'il va mourir. De toute façon, j'ai même dit à cette femme, je lui ai dit même, regarde, moi personnellement, moi, je me suis vu une fois dans le songe, mort, et j'ai vu dans le songe des gens en train de me laver. En islam, quand quelqu'un meurt, on le lave. Il faut qu'on le lave. Dans le songe, j'ai pas vu la personne qui me lavait, mais j'ai senti sa main qui me lavait, qui passait sur mon corps. J'ai dit à cette femme, je lui ai dit, donc, est-ce que, d'après toi, si tu avais vu cela, donc là, c'est la fin du monde, ça veut dire que c'est sûr que tu vas mourir. Je lui ai dit, moi, ça fait 15 ans ou 20 ans que j'ai vu ce songe. Et je ne suis pas encore mort et je suis là vivant et je suis là en train de vous parler. Donc moi je ne laisse pas Satan, le diable, je ne laisse pas yani, me ruser et me tromper et m'induire en erreur et me gâcher ma vie. Il va me la gâcher, me la noircir et lui est en train de rire avec ses femmes et ses enfants. Non, c'est pour ça qu'il faut être vacciné contre ce maudit, ce grand ennemi. Donc, il a commencé à le frapper avec son pied et on entendait un son. Alors, quand le moment où Allah voulut insuffler, il va lui insuffler maintenant de l'âme. L'âme qu'il a créée pour lui, il a dit aux anges, quand j'y aurai insufflé l'âme, vous devrez vous prosterner devant lui. Vous devrez vous prosterner. Là, une petite parenthèse très très importante, l'âme que Allah a insufflé à Adam, à notre père, ce n'est pas l'âme d'Allah, ce n'est pas son âme, l'âme propre d'Allah. Ah, ça c'est impossible. Il lui a insufflé une âme qu'il a créée, comme Allah, Dieu, a créé les cieux, la terre, le soleil, les étoiles, il a créé aussi l'âme. Et cette âme, il a créé tout. Yani, les êtres humains, il a créé une âme pour les animaux, une âme pour les oiseaux et comme ça. Maintenant, l'âme d'Adam, qui était je ne sais où, Allah Ta'ala, après l'avoir créé, et l'a créé, l'a prise, et maintenant il va la mettre dans ce corps étendu par terre, de terre et d'argile, qui ne contient rien à l'intérieur, il va lui insuffler l'âme, et c'est bien sûr la chose la plus importante. Quand il lui insuffla l'âme, et dès que l'âme a atteint l'intérieur de sa tête, il éternua. Il a éternué. Dans un autre hadith authentique, il est dit que lorsqu'il a éternué, Allah, Dieu, lui a appris, il lui a dit, dis Alhamdulillah. Dis Dieu merci. Alhamdulillah. Il a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu merci Seigneur des mondes. Allah lui répondit, Yarhamukallah. Qu'Allah ait pitié de toi. En islam, quand quelqu'un éternue, il dit quoi? Il dit Alhamdulillah. On dit merci à Allah. Pourquoi on dit merci? Certains savants ont dit, quand tu éternues, en éternuant, tu fais sortir des choses, je ne sais pas comment on l'appelle, de ta tête. De l'intérieur de ta tête, c'est-à-dire de ton nez, mais même de ton cerveau, qui descendent et qui sortent. Et si ces choses restent à l'intérieur, une maladie, ça donne une maladie. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah, Dieu, aime l'éternuement, mais n'aime pas le bâillement. Non, il aime l'éternuement. Quand on éternue, d'ailleurs, on se sent plus yani, comment on dit ça, le contraire de paresseux. Plus on bâille, plus on a tendance à yani, à dormir, à somnoler, on est paresseux. Allah Ta'ala n'aime pas la paresse. Mais quand on éternue, c'est le contraire de la paresse. On se sent yani, que on est masha'Allah, on est yani, plein de force, etc. Non. Donc, quand il a éternu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'islam nous a appris que lorsqu'on éternue, on dit Alhamdulillah ou bien Alhamdulillah Rabbil Alamin ou bien Alhamdulillah ala kulli hal ou bien Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Vous remarquez les quatre formules que je viens de dire ne sortent pas, yani se rejoignent tous. En quoi? On a remercié Allah. On a dit Alhamdulillah. Mais il y a quatre formules différentes. Les quatre formules, je les répète. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal, Alhamdulillah rabbil alamin, Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Il n'y a pas une autre formule. Il n'y a pas une cinquième formule. C'est pour ça que certains, quand ils éternuent, ils tirent comme ça de leur tête des formules. Et ce n'est pas vrai. Certains disent Al-Haqq ou Alhamdulillah. La vérité et merci Allah. Il n'y a pas le mot vérité ici. Ces choses-là, il faut les apprendre et les dire. Ce sont des invocations qu'il faut apprendre pour avoir des ajr, avoir des récompenses quand on les dit. Quand on les dit exactement comme Allah Ta'ala les a voulu et son prophète, que la paix soit sur lui. C'est pour ça que quelqu'un a entendu une fois quelqu'un éternuer. Et cette personne, quand elle a éternué, elle a dit Alaykoum salam, ou salam wa alaykoum, quelque chose comme ça. Ou bien salam wa alaykoum, ou bien alaykoum salam. Alors celui, alaykoum salam, ça dit que la paix soit sur vous. Alors l'autre qui l'a entendu, c'est un hadith authentique. L'autre qui l'a entendu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que la paix soit sur toi et sur ta mère. Que la paix soit sur toi et sur ta mère. Et qui lui a dit, lorsqu'il s'est étonné, il parle de ma mère, il lui a dit, écoute, c'est pas comme ça quand on éternue, c'est pas comme ça qu'on dit. On ne dit pas salam alaykoum. Mais j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, on dit alhamdulillah, ou bien alhamdulillah rabbil alamin, c'est comme ça. C'est un hadith authentique. Quand quelqu'un éternue et il dit alhamdulillah, on lui dit yarhamukallah. Yarhamukallah. Lui, il nous répond yaghfir Allahu lana wa lakum ou yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ce sont des formules à apprendre, yani, comme ça, par, yani, à prendre à la lettre. On ne doit rien ajouter ni retirer. Il est dommage, il est très dommage que des musulmans, je dis des musulmans, je ne parle pas des autres, que des musulmans éternuent et disent quoi? Et, yani, celui qui l'entend, ou ne disent rien. Ils éternuent et ne disent rien. Et celui qui l'entend, c'est très dommage, il est musulman, et lui dit quoi? Il lui dit, à qui souhait. Au lieu de lui dire Yarhamukallah, si tu as dit Alhamdulillah, il lui dit à tes souhaits. Bien, il va lui dire à tes amours. Naam. Il imite les gens comme ça, alors que yani, il laisse ce que sa religion lui a demandé de faire et de dire. C'est-à-dire, je laisse une parole qui est venue du prophète, c'est-à-dire que Allah aime pour dire une parole, yani, inventée comme ça de ma tête, et ce n'est même pas les musulmans qui la disent. Non, mais beaucoup de gens aiment imiter les gens, même si cette chose yani, n'existe pas dans leur religion. C'est mohim. Ensuite, quand il a été créé, Allah caressa sa main sur son dos. Allah Ta'ala caressa sa main sur son dos. Alors, toutes les âmes qui devaient naître de sa progéniture, jusqu'au jour du jugement, sortir de son dos, sortir du dos d'Adam. Ça veut dire nous tous et toutes, on est sortis une fois d'eau de notre père, mais on est sortis pas comme ça, comme être humain. On va expliquer comment on est sortis, juste un peu plus loin. Et lorsqu'ils sont sortis, Allah subhanahu wa ta'ala a mis devant les yeux de chaque être humain une lumière brillante. Et il a mis ces gens-là devant Adam alayhi salam. Adam a dit alors, ô Seigneur, qui sont ceux-ci? Allah Ta'ala répondit, ils sont ta progéniture. Alors il vit un homme parmi eux dont la lumière l'attira. Une lumière yani, plus forte que les autres. Il a dit, ô Seigneur, qui est-il là? Allah Ta'ala a dit, c'est un homme de parmi les nations de ta progéniture, appelé Daoud, appelé David, le prophète David, que la paix soit sur lui. Il lui demanda, ô Seigneur, combien d'années as-tu fait ton âge? Ô Seigneur, cette personne, combien va-t-elle vivre de temps? Allah Ta'ala a répondu, 60 ans. David, Daoud va vivre 60 ans. Allah Ta'ala a répondu, Adam m'a dit, ô Seigneur, donne-lui de mon âge, 40 ans de plus. Prends de mon âge 40 ans et donne-lui. Comme ça, il va vivre 100 ans. Alors, on lui donne à 40 ans de l'âge de Adam. Et quand maintenant l'âge de Adam fut achevé, c'est-à-dire, vous savez que Adam a.s. a vécu 1000 ans. Maintenant, quand il a eu 960 ans, puisqu'on lui a pris 40, l'ange de la mort vint vers lui. Alors Adam lui dit, ne reste-t-il pas encore 40 ans d'âge? Alors l'ange ne les as-tu pas donnés à son fils David? Alors Adam renia et sa progéniture renia. Il oublia et sa progéniture oublia. C'est un hadith qui est authentique, rapporté par Nasa et Tirmidhi, et c'est un hadith authentique, et d'autres, pas seulement Tirmidhi et Nasa. Non. Donc, dans ce hadith, on prend quoi? On prend que Adam a.s. a vécu 1000 ans. C'est-à-dire, il devait vivre 1000 ans. Ensuite, il a donné 40 ans à un de ses fils, à Daoud a.s. Il a donné 40 ans. Ensuite, quand l'ange de la mort est venu, il lui a dit, pourquoi tu es venu maintenant? Il lui a dit, Allah, c'est terminé. Il lui a dit, non, il reste 40 ans. Il lui a dit, non, tu les as donnés à l'autre. Le hadith a dit quoi? A dit, il a renié et il a oublié. Il a renié. Car, quand il a donné les 40 ans, ça fait combien de temps? Ça fait 960 ans. Ça fait 960 ans qu'il avait donné les 40 ans. C'est pour ça que les théologiens disent, il a oublié. D'ailleurs, même le hadith a dit, il a renié et sa progéniture renia. Il a oublié et sa progéniture oublia. Ça ne veut pas dire que, comme disent les autres, il a fait le péché, nous, comme ça s'appelle péché originel. Nous aussi, on a péché. Non. Ça veut dire que, il a renié par oubli, ça fait tellement 960, c'est beaucoup. Alors, il a oublié, et nous, on a oublié. Ça veut dire, on a pris de son tempérament. Notre père a oublié, maintenant nous, on oublie. Non. Et il a renié pourquoi? Par oubli. Il a renié par oubli et par âge. Ça fait tellement longtemps qu'il a oublié. Ensuite, quand Allah Ta'ala créa Adam, il était 60 coudées de taille. Quand Allah Ta'ala créa Adam, il était 60 coudées de taille. Ça veut dire, il avait 30 mètres. Il l'a créé, combien qu'il faisait? 30 mètres, c'est-à-dire 60 coudées. Puis, il lui a dit, va et salue les anges que tu vois en face de toi et écoute ce qu'ils te saluent en réponse. Elle sera ta salutation et la salutation de ta progéniture. Ça sera ta salutation et la salutation de tous les enfants et de toute ta progéniture. Alors Adam a dit aux anges, Salamu alaykum. Ils ont répondu, Salamu alayka wa rahmatullah. Ils ajoutèrent, wa rahmatullah. Ainsi, quiconque entrera au paradis, il entrera dans l'image d'Adam. Et depuis ce temps-là, la taille de l'être humain continue à diminuer. Hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, le deuxième livre après le Coran. Qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? Premièrement, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit, Salamu alaykum. Adam, c'était le premier à avoir dit aux anges, Salamu alaykum. Qu'est-ce qu'ils répondirent? Ils ont ajouté, alaykum salam, wa rahmatullah. Vous savez qu'en islam, quand on dit à quelqu'un, Salamu alaykum, on a quoi? On a 10 récompenses. Si tu dis, Salamu alaykum, wa rahmatullah, tu as 20 récompenses. Si tu dis, Salamu alaykum, wa rahmatullah, wa barakatuh, tu as 30 récompenses. Si tu ajoutes, wa maghfiratuh, tu as 40. Donc, quand tu dis à quelqu'un, Salamu alaykum, c'est d'après toi, tu es libre, tu veux avoir 10, tu veux avoir 20, tu veux avoir 30, tu veux avoir 40, c'est, ça dépend de toi. Tu veux rien avoir, dis-lui autre chose, dis-lui salut, tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as dit quelque chose que les gens ont inventé entre eux. Ils ont dit, nous entre nous on dit cette chose. Mais maintenant, tu veux dire quelque chose que Allah aime, dis là et tu seras récompensé d'avoir dit, pour avoir dit cette chose. Maintenant, on prend autre chose, on prend autre chose. On prend que Adam avait 30 mètres de hauteur. Et ça, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant. Car il a vécu 960 ans. Il a vécu 960 ou 1000. Quelqu'un qui va vivre 1000 ans, c'est comment dirais-je, yani, ça ne marche pas, ça marche pas qu'il fasse 1 mètre ou 1 mètre 50. Quelqu'un qui va vivre 1000 ans, c'est yani, comme pour nous, on va dire que c'est un géant, c'est cela. Donc, il faut qu'il ait de l'âge, mashallah. Il faut qu'il ait, il ait de l'âge, mashallah. Et on prendra aussi de ce hadith que quiconque rentrera au paradis, rentrera avec la taille de Adam, c'est-à-dire aura 30 mètres de hauteur. Quiconque rentrera au paradis aura 30 mètres de hauteur. Ensuite, le paradis, il y a des arbres tellement grands de taille, des arbres, yani, tellement grands de taille, que si on rentrait avec notre taille comme ça, on serait invisible dans le paradis. On serait caché par ces arbres qui sont yani, immenses. Dans le paradis, chacun rentrera avec la taille de 30 mètres. 30 mètres, man. Hommes et femmes, bien sûr. Hommes et femmes. On prendra aussi autre chose. On prendra ce qu'a dit le prophète. Il a dit, et depuis ce temps-là, la taille de l'être humain continue à diminuer. Man. Sadaqta ya Rasulullah. Man ya Rasulullah. Tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Depuis ce jour-là, depuis ce temps, et on va vers la fin du monde, on rétrécit, notre taille rétrécit. Non. Maintenant, il est très rare que vous trouviez quelqu'un, par exemple, qui fait plus de 2 mètres. Si on le trouve, on va le mettre dans le Guinness. Il n'y a pas. Non, c'est rare. 2 mètres, parce qu'il y a dans le monde 2 ou 3. Non, c'est rare. Et c'est rare maintenant que quelqu'un, par exemple, vive 120 ou 130 ou là. C'est très rare. Ça se compte sur les bouts des doigts. Et plus on descend, plus notre taille va rétrécir encore et notre âge va raccourcir. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit "A'maru ummati bayna 60 wa 70 wa qalil min ujawiz." Même le prophète alayhi salam a dit l'âge de ma nation c'est entre 60 et 70. Non, l'âge de ma nation c'est entre 60 et 70. Et peu ce qui dépasse. C'est vrai. Maintenant, puisque le prophète salam, a dit que l'âge de ma nation c'est entre 60 et 70, et il a dit peu dépasse, et puisque nous on croit en ce que dit le prophète, donc nous quand on arrive entre 60 et 70, il faut avoir peur. Non, il faut avoir peur. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam a dit ma nation, son âge sera entre 60 et 70. Et peu qui dépasse. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand on apprend que quelqu'un a 80 ans ou 90, on est étonné. Ton grand-père a 90 ans. Masha'Allah, c'est beaucoup. Alors que normalement, c'est rien 90 ans. Mais vu ce hadith qui dit que c'est rare ceux qui dépassent 60-70, et remarquez combien il y a de gens qui meurent avant 60-70. Non, remarquez combien il y a de gens qui meurent avant cette âge. Ensuite, je voudrais revenir un peu sur le repentir de Adam alayhi salam pour dire que regardez, quand ils ont fait la faute, Adam et Ève, ils ont fait la faute, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imploré Allah Dieu pour qu'il leur pardonne. Ils ont imploré Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur pardonne. Et il leur a quoi? Il leur a pardonné. Ce qui est bien en islam, c'est que quand quelqu'un fait une faute, il va directement à Allah, à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. En islam, on n'a pas besoin d'une tierce personne pour que Allah Ta'ala nous pardonne. Non. En islam, je suis dans ma cuisine. J'ai fait une faute, c'est de ma cuisine que j'implore Allah et je lui dis de me pardonner. Je suis dans ma voiture. J'ai dit un mot que Allah n'aime pas, je me corrige, je demande à Allah de ma voiture. Je suis en train de conduire, je dis à Allah, pardonne-moi, j'ai fait cette faute. Je ne sais pas, sur le cheval, je dis. Dans d'autres religions, il faut passer par une tierce personne. Il faut aller chez une personne et c'est cette personne qui va me faire l'intercession, sinon je ne serai pas pardonné. L'islam ne reconnaît pas cette chose. Il dit, ça c'est faux. Cette personne qui va être l'intermédiaire, elle-même c'est une personne comme moi. Qu'est-ce qu'elle a de plus pour qu'elle soit intermédiaire? Le prophète, s'il était vivant, il ne pourrait pas être intermédiaire. S'il était vivant, et j'ai fait une faute, je vais pas vers lui. Je lève mes mains et je dis, ah, oh Allah, pardonne-moi. Et je n'irai pas vers lui. Ah, c'est la meilleure créature. Qu'en est-il? Une créature comme moi, qui mange, qui boit, qui va aux toilettes et qui fait des fautes comme moi ou plus que moi. Plus que moi, je vais lui demander que ce soit elle qui accepte pour que Allah accepte mon pardon. Tout ça, c'est faux. Et alhamdoulillah. Mais Dieu merci qu'il n'y a pas ça en islam. Sinon, il faut à chaque fois aller chez quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un, s'il va accepter ou ne va pas accepter. C'est pour ça qu'il faut que je lui donne des choses. Je lui donne un cadeau, là, je lui donne de l'argent, là, je ne sais pas quoi. Pour qu'il accepte. Et je ne sais pas qu'il soit intermédiaire. Donc en islam, il n'y a pas d'intermédiaire là-dedans. Et il y a un alhamdoulilah. Autre chose. Non. Quand on parlait des fautes et des péchés et du repentir, on a dit, et je redis, que l'essentiel, c'est quoi? On ne s'arrête pas après la faute. On ne dit pas j'ai fait une faute, c'est la fin du monde. Mais après avoir fait la faute, si on est sincère, on revient. On revient vers Allah, vers Dieu, et on demande pardon. C'est ce qui marche si on est sincère. Mais si on continue dans la faute, on dit je m'en fous, ça c'est une preuve qu'on n'est pas sincère et qu'on n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Autre chose, des fois, après la faute, on devient mieux qu'avant la faute. Je donne un exemple. Des fois, on a la foi faible. Faible, faible, ça faiblit, jour après jour, ça faiblit. Ensuite, on fait une faute. Là, on fait un péché. Là, on boit de l'alcool. C'est un péché, un grand péché. Et après avoir fait ce péché, si on était sincère, on va avoir de grands remords. De grands remords. Non, on ne va pas dormir la nuit. On va pleurer. On va ceci. Et voilà que, après avoir fait cette faute et avoir fait le repentir, on sent que la foi revivifie de nouveau. La foi est revenue de nouveau après avoir pleuré, après s'être retourné vers Allah, après avoir demandé pardon, on sent quelque chose qui descend dans le cœur et après avoir senti cette chose, voilà que on redémarre à nouveau. Nos péchés ont été annulés, nos péchés ont été annulés et on se sent beaucoup mieux que avant le péché. Car avant le péché, on sentait la foi descendre. Elle allait presque partir pour de bon. Mais alhamdoulilah, ce n'est pas pour avoir fait le péché, mais c'était un sabab, c'était une cause, yani, après avoir fait le péché. Et après m'être repenti, voilà que je me trouve maintenant, je sens que je suis beaucoup mieux que je ne l'étais auparavant. C'est pour ça que certains théologiens disent, il y a des fois une bonne action, il y a des fois une bonne action qui va te faire rentrer en enfer et un péché qui va te faire rentrer au paradis. Et pour nous, mais c'est vrai. Quand on va expliquer, vous allez dire ça c'est vrai. Des fois, on fait une bonne action, une action que Allah Ta'ala aime et on va partir en enfer. Et des fois, on fait un péché et on va aller au paradis. Comment cela? Non. Je commence par, on fait une bonne action, on va en enfer. Quand on fait une bonne action, après avoir fait l'action, on est orgueilleux. Et on parle aux gens. Et moi, j'ai fait ceci. Et moi, j'ai donné de l'argent pour construire la mosquée. Et si c'était pas moi, si ce n'est pas moi qui avais construit la mosquée avec mon argent, personne n'aurait fait la salat, personne n'aurait fait la prière. Donc c'est moi qui ai fait tout, c'est moi qu'il faut remercier, c'est moi. Celui-là, non seulement il n'a pas fait une bonne action, mais encore, il aura des péchés. En islam, c'est pas comme ça. Tu fais une chose, une bonne action, tu l'as fait pour la face d'Allah. C'est pas la peine de parler de ces choses-là, c'est moi qui ai fait, si c'était pas moi, ceci, cela. Il faut se taire. Tu n'as pas envie de faire la chose, pour Allah ne la fait pas. Personne ne t'oblige. Tu veux la faire, alors fais-la en cachette et ne parle pas, comme tu viens de dire maintenant, et pour pas que tu sentes l'orgueil. Mais au contraire, tu dis, je remercie Dieu, je remercie Allah qui m'a aidé pour avoir fait cette bonne action. Car moi, je suis shahih, je suis un avare, et si Allah ne m'avait pas aidé, j'aurais pas fait cette bonne action. Donc vous voyez, une bonne action peut des fois mener quelqu'un vers l'enfer. Et des fois, quelqu'un fait un péché, il peut aller au paradis. Comment cela? Il fait un péché, supposons par exemple qu'il boive de l'alcool. Et ensuite, après avoir bu, voilà les grands remords qui brûlent son cœur. Il ne peut plus dormir. Et les larmes ne s'arrêtent pas dessus. Ne s'arrête pas sa langue de dire, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, pardonne-moi, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai regretté, je regrette, je ne referai plus, je jure par Allah, c'est la dernière fois, et ceci et cela. Donc celui-là, il a fait une faute, mais regardez qu'est-ce qu'il y a après la faute, comment il est revenu vers Allah, comment il a pleuré, comment il a regretté, comment il a été brûlé. Celui-là, Inch'Allah, il ira au paradis. Le péché a été annulé. Il l'a annulé avec ses pleurs et ses remords. Il l'a annulé. Et l'autre, c'est le contraire. Il a fait une bonne action et il l'a annulé avec quoi? Avec son orgueil. Vous voyez? L'autre a fait un péché, il l'a annulé avec quoi? Avec ses pleurs et ses remords. Et l'autre a fait une bonne action, ensuite je l'annule avec quoi? Avec mon mauvais comportement. En parlant aux gens, en faisant ceci, si c'était pas moi, si ceci, cela. Donc voilà en gros ce que je voulais dire. J'ajouterai une chose ici. J'ajouterai une chose très importante. J'allais la laisser pour le prochain daf. Mais ça ne fait rien, je vais la dire aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, je vais la dire aujourd'hui. Et c'est avec elle que je vais terminer. Et je vous donnerai pour poser vos questions. Inch'Allah ta'ala. Non. Regardez. En islam, le péché, il est divisé en plusieurs sortes. Aujourd'hui, on va parler de deux sortes. C'est quoi? En islam, quand on fait un péché, ou bien on a fait ce que Allah, Dieu, nous a interdit de faire, ou bien on a laissé ce qu'il nous a obligé de faire. Il n'y a pas une troisième sorte. Je répète. Ou bien on fait ce qu'il nous a interdit de faire. Par exemple, boire l'alcool. Ou bien, on délaisse ce qui est obligé qu'on le fasse. Par exemple, la prière. La prière, on est obligé de la faire. On ne la fait pas. Donc, dans le premier cas, où j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, boire l'alcool, j'ai un péché. Dans le deuxième cas, où je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, la prière, par exemple, j'ai un péché. Lequel des péchés est le plus grand chez Allah? Le fait que tu fasses ce qu'il t'a dit de ne pas faire, ou le fait que tu ne fasses pas ce qu'il t'a dit de faire? Non. J'aurais voulu que ce soit à vous qui répondiez, mais comme yani, je vais perdre beaucoup de temps, je vais répondre très vite à votre place. Chez Allah, tous les deux, ce sont des péchés, bien sûr, mais des péchés différents. Chez Allah, celui qui ne fait pas ce que Allah Ta'ala lui a dit de faire, son péché est plus grave que celui qui fait ce que Allah Ta'ala lui dit de ne pas faire. Je donne un exemple. Notre père Adam, de quel genre était son péché? Est-ce qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, ou là il n'a pas fait ce qu'il allait faire, ce qu'il fallait faire? Réponse, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a mangé de l'arbre duquel il ne fallait pas manger. Donc il a fait le péché. Satan, de quel genre était son péché? Satan, Allah Ta'ala lui a demandé de faire une chose, de se prosterner. Il a refusé. Donc Satan n'a pas fait ce que Allah a voulu qu'il fasse. Et puisque ne pas faire ce que Allah t'a ordonné de faire est plus grave chez Allah, chez Dieu, que de faire ce qu'il t'a dit de ne pas faire, regardez la différence. Allah Ta'ala a pardonné à Adam et il a banni le Satan. Satan, il l'a banni jusqu'au jour de la rétribution. Pourquoi? Et comme je dis maintenant, quand on fait un péché, on voit. Est-ce que le genre de péché que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, ou bien je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire? C'est pour ça que certaines personnes, par exemple, se trompent, se disent par exemple, moi par exemple, je ne fais pas la prière, mais Dieu merci, alhamdoulilah, moi je tue pas les gens, moi je vole pas les gens, moi je brûle pas les mosquées, moi je ne mens pas, etc. C'est-à-dire, je suis mieux que celui qui fait la prière et qui fait ces choses-là. On lui dit, pardon, mais tu t'es trompé. Non, pardon, mais tu t'es trompé. Celui qui fait la prière, il a fait ce que Allah lui a dit de faire. Donc, sa récompense est beaucoup plus grande que toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu n'as pas fait ce que tu as dit de ne pas faire. C'est tout. Lui, celui qui a fait la prière, il a fait une adoration de l'acte. Il a fait quelque chose. Et toi, tu as fait une adoration du néant. C'est-à-dire, tu n'as pas fait, tu n'as pas brûlé les mosquées, tu n'as pas tué les gens, tu n'as pas menti, tu n'as pas fait de bombe, tu n'as pas fait de bombe. C'est tout. Mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, tu n'as pas fait la prière. Donc, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est que tu fasses la prière envers la personne. Et que tu fasses la prière et que tu ne montes pas et ne brûles pas les mosquées et ne tues pas les gens et ne mettes pas de bombe. Il faut joindre entre les deux. Certaines femmes aussi disent, moi je ne suis pas voilée, mais je suis mieux que l'autre qui est voilée, qui fait des choses à droite et à gauche. On lui dit, non, voile-toi, il ne fait pas toi les fautes. Voile-toi, c'est ce que Allah Ta'ala t'a dit de faire, et essaie de ne pas faire les fautes. Et ce n'est pas, tu ne fais pas ce qu'il t'a dit de faire, et tu dis, moi je ne fais pas ce qu'il a dit, ce qu'il m'a dit, alhamdoulilah, de ne pas faire. Non. Je ne sais pas si vous avez compris, il y a d'autres exemples que on les reprendra, inshallah ta'ala, dans le prochain cours, comme l'exemple, par exemple, du gouverneur en islam. En islam, il est interdit de faire la guerre à un gouverneur quand il est musulman. Il est interdit de lui faire la guerre. Même si c'est un kafir, même s'il n'est pas musulman, on ne peut pas lui faire la guerre qu'avec des conditions. Regardez, en islam, quand il est musulman, même si le gouverneur boit de l'alcool, ou bien c'est la fornication, ou bien prend de la drogue, ou bien il vole tout l'argent du monde, on n'a pas droit de lui faire la guerre. Alors, remarquez cette chose, et remarquez, pourquoi les kharijites, ce sont ceux qui font la guerre au gouverneur, pourquoi font beaucoup la prière, ils lisent beaucoup le Coran, ils font beaucoup de jeûnes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont des chiens de l'enfer. Et il a dit, si je les rencontre, je vais les tuer, etc. Pourquoi? Ils ont dit, parce que on applique cette règle, le gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu de l'alcool, il a bu de la drogue, il a volé, etc. Il a fait les choses que Allah Ta'ala a dit de ne pas faire. C'est un péché. Mais les autres, les kharijites, qui lisent beaucoup le Coran, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait ce que Allah a dit de faire. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous devez être avec, yani le groupe. Vous ne devez pas être une secte toute seule. Et vous devez comprendre l'islam comme l'ont compris les vieux prédécesseurs. Eux, ils ont délaissé cette chose. Donc, ils n'ont pas fait ce que Allah a voulu qu'ils fassent. Donc, leur péché est plus grave que celui, le gouverneur qui boit de l'alcool, etc. La preuve, on ne le tue pas, et ceux-là, on les tue si on les rencontre. Je ne sais pas si vous avez compris. De toute façon, je réexpliquerai, Inch'Allah Ta'ala, la fois prochaine, Bidna Azzawajal. On va passer, Inch'Allah Ta'ala, aux questions très vite. Normalement, je dois arrêter 5 minutes ou là. Mais je n'arrête pas comme ça pour finir vite. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Je donne la question, inshallah ta'ala, au premier qui est en haut. Et les autres qui, ceux qui veulent garder des questions anonymes, ils peuvent envoyer à ceux qui n'ont pas de point rouge. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Victor FR. Tafadlal. Si les compagnons du prophète de l'islam que vous avez cités au début de votre cours, de votre leçon, étaient de bons gens. Alors pourquoi est-ce qu'Amr ibn al-As a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie? Non. Premièrement, je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends qu'il a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. C'est la première fois que j'entends parler de cela. Quand on dit une chose, premièrement, il faut être très sûr et bien sûr avoir avec soi yani, les numéros et la page du tome où il a dit cela. Supposons, maintenant on va passer à autre chose. Supposons que Amr ibn al-As a brûlé la bibliothèque. Est-ce que ça veut dire en islam que tous les autres ne sont pas bons? Est-ce que Abdullah ibn Himar, qui a bu de l'alcool au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça veut dire que tous les compagnons ne sont pas bien? Alors tous les compagnons ne sont pas bien? Non. Est-ce que quand quelqu'un en islam, c'est une faute? Est-ce que ça veut dire que tous les musulmans ne sont pas bons, ne sont pas bien? C'est pour ça que je voudrais dire, moi, à mes frères et mes soeurs qui m'entendent, je voudrais leur dire que en islam, on prend l'islam seulement du Coran et de la Sunna. On ne le prend pas des gens. C'est pour ça qu'il y a un Français qui était chrétien, qui est allé vivre en Algérie, et là-bas, bien sûr, il est devenu musulman, il s'appelle Étienne Binet. C'est l'un des plus grands peintres du monde, très réputé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une phrase célèbre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé vivre en Algérie, au Sahara exactement, il est devenu musulman, bien sûr. Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Non, moi je ne vois pas ce que font les musulmans. Je vois ce que c'est l'islam. Est-ce que c'est l'islam qui t'a dit de tuer? Est-ce que c'est l'islam qui t'a dit de faire des bombes? Est-ce que c'est l'islam qui t'a dit ceci, cela? Si ce n'est pas l'islam qui t'a dit, donc je me désavoue de toi. Si ce n'est pas l'islam qui t'a dit de faire ces choses-là. Le calme, tu peux prendre la parole si tu as la réponse de Amr ibn al-As. Vous m'entendez maintenant, Cheikh Mohamed? Est-ce qu'il y a du son? Jayib. Barakallahu fik. Je voudrais remercier le Cheikh de nous avoir enseigné beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Je tiens à remercier le Cheikh et à remercier tous ceux qui. Et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue. C'est au maximum. C'est au maximum, Sarah. C'est au maximum là. C'est au maximum. Naam, Jayid. Donc je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux, parmi les non-musulmans, surtout à tous ceux qui ont assisté au cours du Cheikh. Et je demande à notre invité Victor FR de me rajouter dans sa liste. Pour ce qui concerne la réponse à la question, il y a des gens qui racontent que Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, était celui qui a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Et ceci est totalement faux. Et leur référence dans ce qu'ils avancent, c'est ce qu'il a été rapporté dans un livre qui a été écrit par un homme qui s'appelle Abdul Latif al-Baghdadi, au XIIIe siècle après donc la naissance du prophète d'Allah, Jésus, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Dans un livre donc intitulé Al-Ifadat wa l'I'tibar fil Umur al-Mushahadati wa al-Hawadith al-Mu'ayanati bi Ardi Misr. Donc c'était la première personne qui a rapporté que Amr ibn al-As, bien sûr entre parenthèses, avait brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Et tous ceux qui sont venus après Abdul Latif al-Baghdadi, tous ceux qui rapportent la même histoire, ils l'ont rapporté du même livre, donc du livre de Abd al-Latif al-Baghdadi. Et pour ceux qui connaissent les dates, vous savez que Amr ibn al-As a conquéri l'Égypte et l'Égypte est devenue musulmane. Donc, quand Amr ibn al-As, lorsqu'il est rentré en Égypte, c'était au 7e siècle après la naissance de Jésus-Christ. Qu'Allah. Non. Donc, c'était au 7e siècle. Donc, c'était 600 ans après, regardez, 600 ans après que Abd al-Latif al-Baghdadi, c'était 600 ans avant que Abd al-Latif al-Baghdadi ait écrit son livre. Ça, c'est de 1. De 2, tous ceux qui ont écrit avant Abd al-Latif al-Baghdadi, donc tous les historiens qui ont écrit avant Abd al-Latif al-Baghdadi, aucun d'entre eux n'a rapporté cette histoire. Aucun d'entre eux. Donc, on cite. Sa'id ibn al-Batriq, ensuite al-Tabari, al-Ya'qubi, al-Kindi et d'autres. Donc ils sont venus avant Abd al-Latif al-Baghdadi et nul d'entre eux, et personne d'entre eux n'a rapporté que Amr ibn al-As avait brûlé donc la bibliothèque d'Alexandrie. On rajoute à cela que ceux qui ont écrit avant, regardez, les historiens qui ont écrit avant la conquête des musulmans de l'Égypte, nul d'entre eux n'a rapporté qu'il y avait une bibliothèque existante dans la ville d'Alexandrie en Égypte. Personne. Mais en plus de ça, il y a des historiens qui ont rapporté, comme par exemple, vous devriez connaître Gustave Lupin, c'est un historien français qui a écrit un livre intitulé La civilisation arabe. C'est un livre qui a été imprimé au 19e siècle. Il dit dans la page numéro 208 que la bibliothèque d'Alexandrie n'existait pas lors de la conquête de Amr ibn al-As en Égypte. Car la moitié de la bibliothèque a été détruite avant la naissance de Jésus, que la paix et la bénédiction soient sur lui. 48 ans avant la naissance de Jésus. Regardez bien. Donc cette bibliothèque, une partie importante de la bibliothèque n'existait pas lors de la conquête de Amr ibn al-As en Égypte. 48 ans avant la naissance de Jésus, une partie de cette bibliothèque a été brûlée. Elle a été brûlée par une personne qui s'appelle Julius. Et en grec, c'était Julius. En plus de ça, le même auteur qui s'appelle Lupin Gustave, dans son livre L'Empire romain, il dit dans la page numéro 275 du tome 9, il dit que écoutez bien, que le restant de la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlé par les chrétiens eux-mêmes, malheureusement. Par les chrétiens eux-mêmes. Elle a été brûlée par les chrétiens eux-mêmes avant la conquête de Amr ibn al-As en Égypte. Elle a été brûlée par les chrétiens eux-mêmes entre l'an 387 et l'an 395. Donc cette accusation, on accuse Amr ibn al-As d'avoir brûlé cette bibliothèque, et ceci est absolument faux. Une partie de la bibliothèque a été brûlée avant la conquête de Amr ibn al-As en Égypte. Et la partie restante a été brûlée par les chrétiens eux-mêmes. Qu'Allah guide les chrétiens et les juifs et ceux qui ne croient pas à l'islam. Qu'Allah les guide vers le chemin du paradis. N'est-ce pas, cher? À vous le micro. Barakallahu fikoum jami'an. Et je demande à notre ami Victor Affaire de me rajouter dans sa liste, inshallah. Barakallahu fik pour cette réponse yani exhaustive. Jazakallahu khairan. Quant à Victor FR, tu crois, Inch'Allah ta'ala, que tu as entendu la réponse. De toute façon, moi, c'est la première fois, franchement, que j'ai entendu parler de cela. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il se peut qu'il y ait beaucoup de fautes qu'ont commis des musulmans. Mais s'il se peut, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont commis beaucoup de fautes. Mais, non, reviens toujours vers yani, le Coran et la Sunna. Et tu vois que, moi, je ne me réfère pas aux gens, sauf aux prophètes. À part les prophètes, les autres, je les suis seulement quand ils font quelque chose de juste et de vrai. Sinon, comme a dit, je viens de dire, Étienne Binet, il a dit, heureusement, Dieu merci que j'ai connu l'islam avant d'avoir connu les musulmans. Ça veut dire, sinon, je ne serais jamais devenu musulman. Tu vois les musulmans, les fautes qu'ils font. D'ailleurs, cher Victor, je te donne un autre exemple. Regarde, tous les chrétiens, par exemple, les chrétiens ou les juifs, tous ceux, par exemple, qui rentrent en islam, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pratiquants que les musulmans. N'importe qui était par exemple chrétien, rentre en islam, il va dire, oh, c'est étonnant. Je vois des musulmans qui font pas la prière, des musulmans qui volent, des musulmans qui font des bombes, des musulmans qui sont des menteurs. Ils s'étonnent. Et j'ai bien peur qu'ils retournent. Ils disent, khlas, je vais plus suivre l'islam. Mais quand Allah Ta'ala guide quelqu'un, il lui fait descendre la lumière dans son cœur, il ne se base plus sur les gens. Il dit, moi je suis convaincu par cette religion, je vais suivre la base, ce qu'il y a dans la base et non pas ce que font les gens. Naam. والله تعالى أعلم كل سبحانه وتعالى تاد إن شاء الله نوزاد توس نوزاد توس نعم أبو بلال تفضل s'il y a quelqu'un qui est non musulman qui veut poser des questions je lui donne la priorité parce que les autres sont toujours avec moi dans les salles je demande seulement qu'ils écrivent à ceux qui n'ont pas le point rouge ils leur disent j'ai une question et إن شاء الله تعالى ils passent. Salam alaikum, alaikum salam, wa rahmatullah. Adam, que la paix soit sur lui, a-t-il été créé au paradis, comme vous avez dit qu'il a été créé un vendredi, et qu'il est rentré un vendredi au paradis barakallahu. Non, il n'a pas été créé au paradis. Adam a été créé un vendredi, mais il n'était pas au paradis. Ensuite, quand il est resté 40 ans comme ça, quand Allah a insufflé l'âme en son fort intérieur, Allah Ta'ala l'a fait rentrer au paradis un vendredi. Il l'a fait sortir un vendredi, il l'a fait descendre un vendredi, comme j'ai dit dans le hadith. Mais il n'a pas été créé au paradis, ni Ève, ni Hawa. Parce que dans certains livres, ils disent qu'elle a été créée au paradis. Elle aussi n'a pas été créée au paradis. A été créée avant de rentrer au paradis. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit, rentrez dans le paradis et ne mangez pas. De cet arbre. À quel endroit a-t-il été créé? Ce n'est pas cité à quel endroit il a été créé. Il a été créé en haut, dans le ciel, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas un endroit précis où il a été cité. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Je m'excuse quand quelqu'un pose la question, je m'excuse quand je lui donne le point rouge pour le faire descendre de la liste pour que, fika barakallah, pour que je ne me perturbe pas. Et que je sache quels sont ceux qui ont acquis le tour, c'est tout. Donc, pardon Victor, pardon Abou Bilal. Abou Abdelrahman, c'est l'ancien, ça fait mal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez parlé qu'Allah a dit aux anges de partir prendre la terre pour la création d'Adam, alaikum. Avec la diversité de la couleur de la terre, alors les hommes ont des couleurs différentes. J'ai bien compris ce point, cher. Est-ce que les hommes étaient de couleurs différentes depuis le début de sa création ou est-ce une évolution? Non. Premièrement, une petite correction. Je corrige une petite chose. C'est quoi? C'est quand tu as dit aux anges. Il a dit à un seul ange. Il a dit seulement à Gibril, à Gabriel. C'est tout. Il lui a dit, tu descends et tu me ramènes de la terre de différents endroits et différentes couleurs. Ensuite, toutes ces couleurs et toutes ces terres ont été mélangées avec de l'eau et ça a donné l'argile. Alors, Adam a.s. lui-même, yani maintenant, contient différentes sortes de terres, différentes sortes de couleurs. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi que tous les médecins du monde sont unanimes pour dire que nous, on contient tout ce que contient la terre. Vous savez cela. On contient la terre, on contient le zinc, on contient le fer, on contient des choses comme ça que je ne connais pas. Mais tout ce qui, le sel, l'eau, de toute façon, tout ce qu'il y a dans la terre, on l'a nous aussi. Pourquoi? Parce qu'on a été créé de la terre. Et ensuite, quand Adam et Hawa se sont mariés, et se sont accouplés, ils ont commencé à avoir des enfants, ils commençaient à diversifier, commençaient à sortir des couleurs et changer de couleur et après, il a doux, celui-là il est mauvais, celui-là il est. Nam. Nous, on est allé à la mousse, on est allé plus avant. Nam. Umkaya, ta femme va aller. Oum Salama, tafadali, pour ne pas perdre de temps. Oum Kaya, peut-être qu'elle ne peut pas écrire. Oum Salama, tafadali, pour ne pas perdre de temps. Salamu alaykoum, mes chers. Vous avez dit que Adam est entré vendredi sorti. Vendredi, au moins une semaine. Mais la sortie ne pouvait pas se faire le jour même. Non. Vous avez dit que Adam est rentré vendredi. Il est sorti vendredi, au moins une semaine. Mais la sortie ne pouvait pas se faire le jour même. Non, c'est possible. Ce n'est pas interdit. Non, c'est possible qu'il soit rentré le matin, par exemple, et soit sorti le soir. Non, c'est possible qu'il soit rentré le matin et soit sorti le soir et que l'affaire, toute cette histoire, ait eu lieu en une journée. Non, c'est possible. Hein? C'est possible. J'ai jamais lu cela, mais c'est possible. Maintenant, donc, je corrige au lieu de dire au moins une semaine. Je dirais il est resté au moins un jour. Je dirais il est resté au moins un jour dans le paradis. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Naam. Comment il faut se vacciner? Je ne sais pas. Tout à l'heure, quand je dis tout à l'heure, il faut être vacciné contre Satan. Vacciné, j'ai bien peur que certains ont compris qu'il fallait aller au pharmacien et lui dire je voudrais un vaccin contre Satan. C'est pas ce que je voulais dire. Bien, c'est pas ce que je voulais dire. Je sais que toi ou Yom Kaye, tu veux dire. Mais c'est juste pour te présenter. Non. Se vacciner contre lui, c'est connaître bien les ruses qu'il emploie pour tromper les gens. Saladin, c'est l'autre. Non. Si on va se former, on lui demande Saladin. Non. Saladin, ça vient du Moussa. Non. C'est choquant. Je disais que il faut se vacciner contre lui, c'est connaître ses ruses. Et comment je connais moi les ruses de Satan? C'est lui qui l'a créé qui va me montrer cela. Personne ne connaît sans qu'on te dit l'amour la couleur la traverse. Ne sait-il pas celui qui a créé, comme ça dit Allah Ta'ala dans le Coran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a appris et a montré à son prophète que la paix soit sur lui, comment éviter le shaitan. Et comment l'éviter, ça demande beaucoup de cours pour que je vous fasse tout ça. Car, par exemple, si tu manges avec la gauche, voilà. Tu as aidé le shaitan à manger. Si tu bois avec la gauche, tu l'as aidé à boire. Car lui, il boit avec la gauche, il croit et il mange avec la gauche. Si tu rentres à la maison, tu n'invoques pas Allah en rentrant, il va passer la nuit dans ta maison. Si en mangeant, tu n'invoques pas Allah, il va manger avec vous. Il va manger avec vous à la maison. Si, quand un homme, l'époux, fait avec sa femme un rapport, il n'invoque pas Allah, le shaitan va faire avec lui le rapport. Et donc l'enfant, il va être à l'homme et une part à ce Satan. C'est comme ça. Quand on est dans la salade, il vient, il veut nous faire troubler dans la salade, perturber. On se tourne à gauche et on époustille, comment on dit, juste un peu, on crache un peu, juste un peu sur l'épaule, comme ça. On dit, Oudoublam et Shtaladim. Il part. Quand je suis seul et il vient, il me dit qui a créé la terre, qui a créé les cieux, qui a créé ceci. Ensuite, il va me dire qui a créé Allah. Qu'est-ce que je fais ici? Il faut vite le vaccin. Qu'est-ce que tu dis? Amantu billah wa rasuli. J'ai cru en Allah et en son prophète. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, lam yulid, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et voilà, et il part. Donc, il faut connaître comment sont les ruses pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour combattre quelqu'un, il faudrait connaître les portes d'où il vient. Naam. Oumou Salama, j'ai laissé Ousma. Je préfère que les questions aient rapport avec le cours. Que les questions aient rapport avec le cours Barakallahu fik. Mais comme tu as posé la question, je vais te répondre, mais je préfère que les questions soient avec le cours, inshallah. J'ai d'autres heures, d'autres emplois du temps où je réponds à toutes les questions. Malish. La hijama, c'est pour la faire à un homme. Si c'est un mahram, il n'y a pas de problème. Si on l'a fait à son père ou à son frère ou à son fils ou à son mari, c'est pas un problème. Mais si c'est un autre homme qui est étranger, on ne peut pas la lui faire. Mais si c'est un mahram, on peut la lui faire. Naam. Comme Abdelhaq, t'as fait de la vie. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. Vous avez parlé du repentir. Est-ce que le pardon de nos péchés a pour condition les pleurs ou il suffit de regretter? Je veux dire par là, si les larmes ne viennent pas, est-ce que cela est considéré comme de l'hypocrisie? Non, ce n'est pas considéré comme de l'hypocrisie. Mais quand les larmes ne viennent pas, ça veut dire seulement que le regret, le repentir qu'on a fait, c'est-à-dire le regret, n'est pas très fort, c'est tout. Car plus on a peur d'Allah, et plus, si on fait le péché, dès qu'on regrette, yani on a les yeux qui larmoient, et on a un remords dans le cœur, et premièrement, c'est d'après le péché aussi. Si c'est un petit péché, on ne va pas pleurer, hein, bien sûr. Mais si quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya, si quelqu'un fait un grand péché, Naam, elle est comptée. Le pleur ne rentre pas. Le repentir demande quatre choses essentielles. Premièrement, d'arrêter de faire la chose. Deuxièmement, de regretter. Troisièmement, de dire que je ne vais plus la faire. Naam, que dans l'avenir, je ne la referai plus. Et quatrièmement, si c'est une chose qu'on a prise à une personne ou là, on la lui rend. Si j'ai volé une chaîne d'or à quelqu'un, pour que mon repentir soit accepté, il faut que je fasse les trois premières conditions et que je lui rende sa chaîne en or. Naam. Et ce n'est pas obligé de pleurer. Mais si on pleure, c'est un délit qu'on a, on a eu vraiment peur. C'est tout. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. On m'a dit, tafadlali. Naam. Salam alaykoum, Cheikh. Je souhaiterais vous parler, mais à quelle heure dois-je vous appeler pour des questions urgentes et confidentielles? Naam. Inch'Allah ta'ala, demain. Demain à 16h. Entre 16h et 16h30 en France. Inch'Allah ta'ala, demain. Entre 16h et 16h30. Naam. Vous me donnez une seconde seulement pour que je lui donne le numéro de téléphone. Naam. On m'a dit. Bon, puisque tu as fermé ton PV, je vais le mettre ici. Naam. Voilà, entre 16h et 16h30. Pardon, 16h et 16h... Non, c'est pas 16h, 16h30. Entre 16h30 et 17h. 16h30 et 17h au Koweït. C'est-à-dire 15h... 15h30 et 16h chez vous. Naam. Jabr 51, ça fait mal. Vous avez parlé du vendredi et des caractéristiques. Est-ce que aussi le vendredi on ne suivra pas chaque semaine de la tombe? Barakallahu fikoum. Naam. ce dont je suis sûr, c'est un hadith qui dit que son cœur, on ne subira pas le châtiment de la tombe. Non, on ne subira pas le châtiment de la tombe. Mais encore faut-il qu'on soit quoi? Encore faut-il qu'on soit pieux. Non, ce n'est pas quelqu'un qui ne prie pas ou là, quelqu'un qui passe son temps à boire de l'alcool, ensuite il a dit je suis mort un vendredi. Il faut quoi? Il faut qu'il soit pieux. Bismillah et Azzawajal. Naam. C'est la 659, ta fadda. Je voudrais savoir, Allah a créé Adam, alayhi salam, vendredi. Donc, le jour, les mois et les années existaient déjà. Allah les a créés avant la création d'Adam. Barakallahu fik. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il lui a appris le nom de toutes choses. Et certains savants, certains exégètes du Coran, ont dit que il lui a appris même les noms de quoi? Les noms des mois et des années et des jours, les mois, des noms, les noms des mois, des années et des jours. Donc, ces choses existaient. Ces choses existaient, mais personne ne les savait encore. Personne ne les savait encore. Jusqu'à ce que, il fallait que Allah Ta'ala les fasse apprendre aux gens par l'intermédiaire, yani, des gens, etc. Non. Mais pour les mois et les années, ça existait. Les oulamas, les savants, ont divergé seulement sur les jours. Est-ce que les jours existaient ou pas? Mais pour les mois et les années, ça existait. Non. Il reste seulement un peu de différence sur les jours. Mais certains exégètes ont dit même les jours existaient. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Salam à 57, tafadhali. Oum Abdullah, tu as une question, pose-la. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous avez parlé des ouswes. Comment reconnaît-on les ouswes du shaytan? Comment faire la différence entre nos propres pensées et les ouswes? Comment sont protégés par le fait? Non, le ouswes du shaytan, c'est les... C'est quoi? C'est les chuchotements. Hein? Il vient devant l'oreille comme ça, on ne le voit pas. Et commence à nous faire des ouswes. Des ouswes. Comment faire la différence entre notre propre pensée et les ouswes? Notre propre pensée, ce sont des choses que des fois nous on veut, nous on aime des choses, mais on ne veut pas les faire parce que c'est interdit en islam, mais des fois nos pensées voguent et vont vers ces choses qui sont muharram, qui sont haram, et yani, puis ça vient et ça va, jusqu'à ce que yani, on essaie de les oublier. Mais quand c'est du shaitan, quand c'est un ouswas du shaitan, c'est toujours pourquoi pour le mauvais. C'est toujours pour vouloir se suicider, pour sortir de cette religion, pour quitter la prière, pour c'est surtout pour le mauvais et le grand mauvais. Mais les savants ont dit, il n'y a pas une règle sur laquelle on peut se baser pour dire. Est-ce que ça, c'est de mes pensées ou bien ça, c'est du shaitan? Parce que des fois, ça commence par nos pensées, et le shaitan, quand il sent qu'on veut ces choses et ça, il va nous donner la dose. Il va donner la dose dans cette chose, jusqu'à ce que maintenant, ce n'est plus nos pensées. Maintenant, c'est lui qui commande, et c'est lui qui nous fait les ouswes. Et les ouswes, je veux dire aux gens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, les ouswes sont vraiment difficiles. Naam. Je préfère, si je devais choisir, je préfère avoir un djinn, avoir un esprit qui m'habite et qui me fait mal, que d'avoir les chuchotements. Parce que l'esprit ou le djinn, quand il habite quelqu'un, on fait venir quelqu'un qui connaît bien le Coran, etc. Il va lire, il va le faire sortir. Mais les ouswas, il ne peut pas les faire partir. Il faut que ce soit moi qui leur fasse la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala a'am. Abu Amal, tafadhal. طيب تذكر أبو أمان نفاذك نو أبو هارون شو إله حياك الله تفضل أبو هارون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله آدم إتي ديجا دون جنة مي كو دير سوغ لا بارول دي بروفيت كي أون بارول دو بارادي أدي أوكين أوغاي نو لا أونتوندو أوكين نوي نو لا فو إي بيرسون نو بو سي ليماجيني بارك الله فيكم لو سيرمون دو لا تير. Est-ce vrai? Abu Amal ou Abu Amal, je n'ai pas bien compris la question. Le serment de la terre, est-ce vrai? Non, le serment de la terre, est-ce vrai? Je n'ai pas compris cette question. Abu Harun, ce hadith, c'est l'une des bases de ceux qui ont dit que le paradis où était Adam n'était pas le paradis de la demeure, Jannat al-Ma'wa, mais c'était un paradis sur terre. C'était un paradis sur terre. Ils ont dit la preuve, le prophète sallam a dit aucune oreille ne l'a entendu, aucun œil ne l'a vu, etc. Non. Ils ont dit voilà une preuve que le paradis était sur terre. Mais ceux qui disent que était au ciel, pourrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait rentrer dans un endroit, juste un endroit du paradis, pas dans tout le paradis. Naam, c'est comme quelqu'un qui a un palais, et quand je te fais rentrer seulement dans le salon, tu restes seulement dans le salon, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Je t'ai fait rentrer dans le salon, car c'est dans ce salon que je vais te faire des tests et des épreuves. C'est ici qu'il y a l'ordinateur, etc., pour te tester. Non, mais tu ne sais pas ce qu'il y a. Si tu réussis. Je vais te laisser passer dans les autres champs pour voir ce qu'il y a. Non. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Abu Amal repose ta question. Je ne l'ai pas vu. Yani, elle ne s'est pas affichée. C'est pas que je ne l'ai pas vu. Elle ne s'est pas affichée. الحمد لله يا بهارون سلمنا على آدم وعلى عبد الله سلمنا على آدم ماشي آدم النبي آدم الثاني وعلى عبد الله وعلى أمهما نعم وعلى أمهما طيب أبو آمل جاتون طيب بونو با فير دو تون فيكم بارك الله حفصة هاجر تفضلي le temps que j'attends Abu Amal inshallah ta'ala qu'il me repose sa question. Abdillah pose ta question après حفصة هاجر pose ta question. Abu Amal prend ton temps pour écrire inshallah. Je ne sais pas si c'est Amal ou la Amal. Là, si c'est Amal, normalement c'est avec A. A-M-A-L. Si c'est Amal, c'est autre chose. Om Hafsa, est-ce que tu es avec nous, Inch'Allah? Om Hafsa, est-ce que tu es avec nous, Inch'Allah? Salam alaikum, alaikum salam, alhamdulillah. Il y a un chéri qui est prise de ouswas au moment où c'est l'Adam. elle commence à avoir des choses qui sortent de derrière, naam, et qu'elle finit ça là, tout disparaît. Naam. Donc, elle veut savoir si elle doit remonter ça là, ou alors elle prie quand même. Car ce qui sort n'est pas intime, ce sont des bulles d'air qui sortent. Est-ce que c'est considéré comme ce qui annule le wudu? Naam, justement, cette sœur, pour que elle priant sur le wudu, elle ne doit pas recommencer la salat. Mais elle attend. Elle ne fait pas les ablutions jusqu'à la dernière minute. Elle attend. Maintenant, c'est l'adhan, il a terminé, etc. Maintenant, elle dit, je vais faire la prière. Quand elle se lève pour faire la prière, elle va directement aux ablutions. Ensuite, elle met les habits de la salat et elle rentre dans la salat. Même s'il y a des choses, des bulles comme ça qui sortent de derrière pendant la salat, elle doit continuer sa salat. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a un shaitan justement qui vient faire des bulles comme ça par derrière. Juste pour te dire que ta salat est annulée. Ensuite, tu vas la refaire les ablutions. Ensuite, tu dégoûtes, tu en as marre. Ensuite, tu arrêtes la prière. Donc, celle-là, inshallah ta'ala, elle attend la dernière minute où elle va se lever pour faire la prière. Elle va directement aux ablutions. Et de là-bas, directement, elle met ses habits, elle fait la prière. Même si beaucoup de choses sortent dans la prière, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas la prière. Sauf si c'est quelque chose, un gaz, qui sort comme ça nous sort normalement. C'est-à-dire une fois par an ou là, il y a quelqu'un qui fait sortir un gaz. Celle-là, c'est normal. Mais si c'est des bulles, etc., jamais elle n'arrête sa prière. Elle doit battre le wudu et triompher sur lui, bi-idhnillahi azza wa jal. Naam. Umm Athman, tafadlali. Donc, ça annule le wudu, alors elle ne peut pas faire le wudu et aller au musée, par exemple. Non, elle peut. Ça n'annule pas le wudu. J'ai dit, si elle sait que dans la mosquée, il y a où faire le wudu, elle laisse. Quand elle va à la mosquée, là-bas, elle fait le wudu et rentre directement dans la prière. Si elle sait qu'il n'y a pas là-bas où on fait le wudu, elle le fait à la maison. Et même s'il y a des choses qui sortent, ça ne fait rien. Quand elle va là-bas, elle rentre directement dans la prière, inshallah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Omar Abdullah, je suis chrétien, je lis les trois livres saints, s'il vous plaît. Demandez-nous de nous parler de la sourate 5, verset 68. Attends, je dois chercher le verset 5, sourate 5, verset 68. Laissez-moi chercher une seconde. Sourate 5, verset 68. Sourate 5, verset 68. Non. Une seconde. Le verset ici se découvre. Hein? Si c'est celui-là, Inch'Allah, il va dire si c'est celui-là, mais on peut chercher en français. Attends que je le mette en français. Ah, il est là. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aujourd'hui, livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous promettez pas à toi à manger. Tu vas être défendu de la doctrine et tu vas être défendu de la Seigneur. Ça passe beaucoup longtemps en réunion, mais sans ne te tourmente pas dans tes ambiances. Et elle t'a dit de se marier, il s'est mort à tous les jours. Il faut les sortir. Il faut les mettre dans le monde et faire la poêle au fond de la terre. Mais c'est bien. Je suis la personne qui a dit je suis question. C'est ça. Regarde, il ne faut pas être trompé et il ne faut pas, Inch'Allah, que tu te trompes. Il ne faut pas que tu te trompes. Il faut que tu saches d'abord sa vérité et. Soyez la tête de Dieu. Ce verset ne parle pas des gens du livre de maintenant. Car certains ont dit qu'il a dit aux juifs, conformez-vous à la Torah et aux chrétiens, conformez-vous à l'évangile, et ça veut dire vous êtes bien. Car il a dit, vous ne serez rien, vous n'êtes pas, car vous ne vous êtes pas conformés à la Torah et à l'évangile. Donc, Par contre, si vous devez vous conformer à la Torah linéairement, vous serez dans le paradis. Ce n'est pas ça. Sans lorsque Moussa Moïse est venu au juste, et lorsque Jésus est venu à Christin, à ceux de CO3, ceux qui ne l'ont pas suivi, ceux qui n'ont pas suivi, Allah Ta'ala leur a dit, vous n'avez pas suivi, car Moussa Moïse quand il est venu. Pas tous les gens qui ont cru, il y a une partie des gens qui l'ont cru. Ils ont dit, on connaît celui-là, on ne sait pas comme ça. Et à tel point est venu, une pardon, certaines personnes l'ont suivi à la lettre, et d'autres ont dévié. On dit non, celui-là c'est un Dieu, lui-même c'est Dieu. On dit non, c'est un Dieu. Donc on dit c'est l'esprit, je ne sais pas quoi. Donc le Ta'ala a fait un tira, il a placé, il a mis un vrai chemin, alors ce vrai chemin qui lui a dit, il a dit c'est fait. On dit sur vous, et ça existe. C'est la prière venue et Inch'Allah, Allah Ta'ala qui s'éloigne de ce goût. Inch'Allah Ta'ala dans le Coran, Inch'Allah Ta'ala Ta'ala Ta'ala. Il a dit que la prière, la vraie prière, éloigne le Dieu, quoi, l'éloigne des péchés spirituels. C'est par là, quand il m'a fait s'expliquer, il fait des lois. Mais n'oubliez pas que, il y a des années, il faut aller sur qui, il y a une chose, c'est pas facile. Allah Ta'ala A'lam. Voyez. أبو عبد الحكيم أنت تفضل. آمين. ما يبقى. Tu as des Gracias.